en fait, je me rends compte là que finalement, je vais faire un peu. Je vais être à ma place, quoi, comme éthologue, pour donner la vision de l'intérieur de ce qui se passe quand on est postdoc, puisque finalement, c'est beaucoup sur cette phase-là de l'entrée dans la carrière, enfin, si entrée il y a, que je souhaitais qu'on focalise un peu les choses. Donc, oui, tout à l'heure, vous parliez de mon statut en vous étonnant et en disant postdoc non statutaire. En fait, après, j'ai réfléchi, après nos échanges, et je me suis dit, mais finalement, c'est pas tant non statutaire, parce que le statut de postdoc, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai fait ma thèse au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à Nanterre, enfin, en tout cas, au sein de l'école doctorale correspondante, etc., etc. Et ils ont pris une décision, c'est d'accompagner, c'est une chose qui a changé d'ailleurs l'année dernière, c'est-à-dire que les jeunes docteurs restent affiliés au laboratoire pendant une certaine durée de temps. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était 1 an, et maintenant c'est 3 ans. Donc en gros, par défaut, on a un filet de sécurité, si tant est qu'on veut l'utiliser, c'est-à-dire qu'on reste rattaché au laboratoire. Donc ça nous laisse, alors on n'a pas accès, parce que c'est Nanterre est une grosse fac, il y a quand même beaucoup d'étudiants doctorants, donc un certain nombre de docteurs aussi, ce qui fait qu'on n'a pas accès au financement possible par l'intermédiaire du laboratoire auquel on a pu avoir accès en tant que doctorant. Mais on est quand même statutairement post-doctorant, donc ce serait plutôt post-doctorant non contractuel, quelque part. Et ça veut dire quand même que c'est quelque chose d'important d'avoir un rattachement institutionnel, puisque finalement c'est de ça qu'il s'agit. Et que dans cette phase, qui est cette phase intermédiaire, le risque c'est d'être un peu noyé, d'être un peu tout seul, et finalement de pas avoir, non seulement de ne pas avoir de rentrée d'argent, mais en plus d'être lâché dans la nature et de qui peut être un peu compliqué. Il se trouve qu'en plus, moi, les liens avec Nanterre, non seulement j'ai fait mon cursus là-bas, mais j'ai enseigné dans les départements d'ethnologie et de sociologie, j'ai eu une allocation de recherche plus un doctorat, après j'avais eu un poste dataire, donc finalement j'ai une expérience d'enseignement qui est assez longue à Nanterre, d'autant plus que même sans statut, finalement, je continue à participer aux activités d'enseignement, à l'encadrement de certains étudiants, ce qui permet, et bon du coup je joue la carte hein, de ce qui m'est un peu attribué ce soir, c'est-à-dire de donner ce ressenti et de la façon dont ça se passe en tout cas en sociologie, de participer à certaines équipes, ce qui permet bien sûr, en plus en l'absence d'un contrat postdoctoral en bonne et due forme, de maintenir à la fois des liens avec les différents départements concernés, socio-ethno, et en même temps d'enrichir le CV, bien sûr. Sinon, officiellement, donc je suis chômeuse. Parce que, avec le poste d'ATER, là, ça n'a pas l'air d'être le cas dans toutes les facs, mais en tout cas, effectivement, ça donne le droit au chômage. À l'intérieur, ils acceptent. Pour vous donner des éléments de parcours, moi je suis ingénieure agro, j'ai fait ensuite une thèse d'ethno que j'ai commencé en maîtrise, ce qui veut dire que, en fait, on dit jeune chercheur et même très jeune quand on vient de terminer une thèse, etc. Vous êtes des petits, oui, très bien, mais non. Et sur les histoires de postdoc, j'ai restreint, parce que dans ma vie personnelle je suis devenue maman, un certain nombre d'offres de post-doc qui me semblaient pas possible d'accepter, soit parce qu'il y avait une délocalisation, soit parce qu'il y avait des délocalisations avec des contraintes qui sont des contraintes spécifiques. Et quand on m'explique, oui, très bien, vous nous intéressez, si vous candidatez, vous pourriez avoir le post-doc, mais vous serez payé 1 200 $ parce que c'était pour partir aux États-Unis, un loyer ne vous coûtera que 600 $, et moi je dis, attendez, on est 3 à partir. Vous croyez vraiment que ça va être suffisant? Et après, derrière, on vous explique, mais oui, mais t'es une jeune chercheuse, alors il faut quand même pas trop demander. Ben, non. Évidemment, dans ces cas-là, la réponse, elle est déjà toute jouée. Enfin, je veux dire, c'est juste pas faisable. Après, dans les post-docs auxquels j'ai candidaté, les différents problèmes auxquels je me suis confrontée, c'est d'une part, on nous demande, comme c'est souvent le cas, d'aller très loin des sujets sur lesquels on travaille. On nous demande éventuellement quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail de recherche. Je pense notamment à un des post-docs en question où tout le travail de terrain, de recherche, d'enquête avait déjà été fait, et donc il fallait analyser ce matériau. Et pour faire quoi? Pour faire des recommandations et un livret de recommandations à destination de municipalités. Post-doc, je veux bien, mais c'est quand même très très réduit. Et même si on accepte le fait de s'écarter des problématiques sur lesquelles on travaille et de réaliser un travail comme celui-ci, comment on fait pour valoriser une expérience de ce type-là? C'est quand même très compliqué. Après, les autres difficultés, c'est un projet d'accord, très bien. Alors on se dit oui, là, en l'occurrence, c'était sur des financements de l'Île-de-France, où ça collait bien, ça avait l'air d'aller, etc. Et après, il faut trouver un porteur de projet statutaire. Donc c'est souvent le cas pour avoir un financement par la... sur un type de poste post-doc, il faut finalement avoir quelqu'un de statutaire qui signe comme porteur de projet pour ensuite, éventuellement, dans la majorité des cas, éventuellement être recruté en tant que post-doc. Il se trouve que là, du coup, on a un ensemble de chercheurs nouvellement recrutés qui disent assez rapidement « Je suis désolée, je ne peux plus faire face ». Parce qu'en plus, on peut avoir des contraintes d'âge, par exemple, sur les porteurs du projet. Alors on se retrouve à rédiger complètement un projet parce que c'est son propre projet de recherche, à chercher un porteur de projet qui éventuellement accepte. Il faut non seulement que ce soit quelqu'un qui soit intéressé, avec lequel on s'entende, etc., mais en plus qui remplisse les conditions, ce qui n'est pas toujours évident. Et ensuite, quand le projet est accepté, je me suis retrouvée dans la situation ubuesque de faire ce projet et finalement de me retrouver. En plus, il faut comprendre les appels d'offres, etc., savoir qui il faut faire. Ce n'est pas toujours extrêmement simple. De savoir qui doit signer quel document, etc., encore une autre question. Et là, en l'occurrence, donc, il fallait un porteur du projet qui a effectivement accepté. Et donc, c'est lui qui recevait tous les mails. Je ne recevais rien. Donc j'ai envoyé un mail de temps en temps en disant « Écoutez, voilà, est-ce que vous avez eu des nouvelles ou pas ?» ou alors à contacter la personne à qui j'avais envoyé le dossier, puisque c'est moi qui avais tout rempli en ligne, etc., pour avoir une réponse, bon, qui finalement n'a pas abouti. Donc on est là, et vous parliez de 10% du temps à faire ces projets. En post-doc comme ça, c'est incroyable. On passe... je sais pas, 70-80% de son temps à faire des projets en 5 pages, en 10 pages, en 15 pages. Alors pour peu que le thème soit un peu différent, qu'il faille l'adapter, essayer de jouer sur le côté sexy, d'aller chercher des mots-clés qui vont éventuellement faire vibrer les gens qui sont dans la commission ou qui correspondent à l'appel d'offres, ça devient assez rapidement difficile. Alors, moi je dis ça pour le moment... Bon, je continue à percevoir des sous, même si c'est le salaire. Je suis dans un laboratoire qui continue d'être derrière et dans un cadre de travail, puisque je continue à y aller tous les jours, quasiment. Donc, dans lequel je ne suis absolument pas désocialisée. Au contraire, j'ai conscience d'être bien insérée dans ce cadre-là, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Ça, je m'en rends bien compte. Mais c'est vrai que ça fait des conditions qui sont des conditions très étranges, dans lesquelles on a l'impression d'être dans une espèce de réalité parallèle. On croise les gens dans les couloirs, on fait la même chose, on a les mêmes types d'activités. Tu fais quoi? Bah oui, je suis en train de terminer, c'est un peu dur là-dessus, puis demain je vais là et tout ça. Ok, très bien, sauf que bah, qui est-ce qui va payer le billet de train pour aller au colloque? Qui est-ce qui va payer la mission? Bah non, on essaye de se débrouiller pour trouver... Pour le faire soi-même. Et c'est très étrange. Alors en même temps, bon, effectivement, il y a une sollicitude, il y a tout ça autour. Mais c'est très étrange de se retrouver dans cette situation, et encore plus étrange de l'expliquer à des gens qui ne sont absolument pas dans le monde de l'enseignement et de la recherche, qui trouvent ça juste inenvisageable. On est un peu dingue. Oui, un point qui me semble important et qui du coup pose des vraies questions par rapport à ces histoires de contrats et de recherche sur contrat, c'est qu'il y a deux positions. Il y a une position que j'entends assez fréquemment qui est il faut sauter sur n'importe quelle opportunité parce que c'est ça qui fera une expérience et qu'il faut voir sur le dossier post-doc, post-doc, post-doc. Et par ailleurs, on nous dit oui, mais il faut travailler la cohérence du dossier. ce qui permettra d'être recruté dans les différentes commissions. Et pour avoir échangé avec les personnes qui étaient dans les commissions pendant les périodes de recrutement, enfin les concours de recrutement, puisque j'ai soutenu en 2009, justement parce qu'il y avait un poste qui semblait parfait, et bon, en fait, ça n'a pas marché. D'après les retours de ces commissions, c'est « il faut travailler la cohérence du dossier ». D'accord, mais comment on fait si on travaille et qu'on passe du coq à l'âne? Donc il faut montrer le fait qu'on a une question de recherche qui est vraiment argumentée, qui évolue et que son projet s'inscrit toujours dans la continuité et qu'il y a une espèce d'évidence sur la légitimité de la question qui est posée et du projet. Et comment on fait pour maintenir une espèce de cohérence? Donc moi je sais qu'autour de moi, j'ai des gens qui me donnent des conseils en me disant « attention ». Là-dessus, là je veux travailler sur la biodiversité, on a dit ok, ça c'est un, alors je disais, ça c'est un sujet sur la biodiversité, peut-être ça peut marcher, oui mais c'est en milieu urbain, etc. Et finalement la cohérence, elle n'est pas si évidente que ça, il vaudrait mieux pas. Et puis d'autres gens qui disent mais non, il faut évidemment sauter sur... Et c'est extrêmement compliqué finalement de s'orienter là-dedans entre le temps qu'on met à... Enfin, déjà à lire toutes les offres qui peuvent nous arriver, à décrypter les offres en question, à voir si on rentre dans les critères, si on trouve éventuellement un porteur de projet qui correspondrait aux critères qui sont énoncés dans le truc, pour pouvoir ensuite essayer de répondre, ficeler le dossier, renvoyer le dossier, et évidemment après attendre les choses. On part là, enfin c'est un investissement absolument hallucinant, pour après se poser cette question de la cohérence du parcours scientifique, et où on se dit mais... quelle est la logique, quoi? Moi, je trouve ça extrêmement déstabilisant. Parce que la question se pose à chaque fois, est-ce que j'ai raison de répondre à telle offre ou pas? Et se pose après tout un tas de questions tout à fait pragmatiques. Est-ce que je suis prêt à aller m'installer à Nancy ou à Rennes? Est-ce que... toutes ces questions-là qui vont avec. Après, un dernier point par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je connais une équipe dans un des départements, enfin au département de sociaux, où il y a quelqu'un qui est extrêmement dynamique et qui se trouve beaucoup de financement pour ses étudiants. Étudiants qui vont être en M1, M2, doctorat, postdoc, vraiment énormément de financement par l'ANR, mais pas. Je crois que je ne suis même pas sûre qu'il y ait une ANR. En tout cas, différents supports de financement, différents types de financement. Il se trouve que du coup, ça oriente à la fois le laboratoire qui a été créé complètement dans les thématiques qui sont abordées, parce qu'il y a un séminaire, et que le séminaire, il y a des gens qui vont parler dans ce séminaire, ils vont parler essentiellement des problématiques qui dépendent de ces appels d'offres. Et ça engage une espèce de dynamique aussi au sein de l'équipe d'enseignement dans laquelle il est inséré, et où ça fait quelque chose d'assez étrange, à la fois une vraie dynamique avec des financements pour des étudiants, ce qui est extrêmement positif, et en même temps une orientation des sujets de recherche en fonction de ces thématiques de recherche, alors que l'équipe d'enseignement est a priori ouverte à un ensemble de thèmes sociologiques, et la spécificité serait plutôt de faire une sociologie à forte option qualitative. Donc après, il y a des étudiants qui travaillent sur différents thèmes. Donc il y a une richesse comme ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on voit que la réflexion, elle est évidemment forcément réfléchie aussi par ces ressources qui arrivent, qui sont extrêmement bienvenues. Encore une fois, moi je ne suis pas là dans une position en train de dire de décrier. Je constate qu'il y a du positif et il y a aussi du négatif dans ce fonctionnement-là, et qui est très curieux parce que du coup on ne se retrouve pas dans un certain nombre de thèmes qui sont abordés. Mais voilà, je pense que on va continuer et on va avoir des convergences un peu étonnantes, mais aussi des différences entre l'ethnologie et la biologie, parce que la biologie a une tradition de recherche sur contrat avec des grandes agences liées aux questions de santé, et parfois une orientation d'une équipe avec le grand chef qui lève les contrats, une division du travail qui descend jusqu'en M1. Ouais. Donc je pense que... Mais des conditions différentes pour ces travailleurs un peu périphériques qu'on rencontre dans les laboratoires.